السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous allons continuer inshallah donc le cours du Cheikh Mohamed Saïd Raslan Hafidhahullah concernant anwa' al-shirk al-asghar, parmi les types de polythéisme mineur. Juste avant, on avait fait un rappel hier, mais pour ceux qui étaient absents, le mois de Dhul Hijja va commencer soit demain, soit après-demain. Parce que le mois se finit par soit 29, soit 30. Aujourd'hui, nous sommes le 29 de Dhul Qi'ada. Donc si c'est demain, donc on rentre dans les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Et comme on avait mentionné, c'est que la personne qui a l'intention de faire elle-même le sacrifice du mouton, elle ne doit ni couper de ses poils, ni se raser les poils, sous les aisselles, ou bien ou se couper les ongles, ou se... Il y en a parfois qui se mangent la peau au niveau des ongles, ou bien n'importe quel, que ce soit les ongles des pieds ou bien des mains, ou que ce soit la peau, ou bien que ce soit les poils ou les cheveux, celui qui veut, qui va faire le sacrifice, ne doit pas y toucher. Et puis pendant ces 10 premiers jours, on doit s'efforcer à faire le plus de bonnes actions. Le plus de bonnes actions. Comme l'imam Ibrahim Hafidhahullah avait mentionné hier, les 10 dernières nuits du Ramadan sont les meilleures. Et les 10 premiers jours, pendant les jours, 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on doit s'efforcer à faire soit du dhikr, par le tahlil, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adhim, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Qiraat al-Qur'an, le hafz et les prières nocturnes, inshallah, toutes les bonnes actions, inshallah, il essaie la sadaqa, aider les plus démunis. Donc on doit essayer de s'efforcer à cela et ne pas perdre cette occasion. Barakallahu fikum. Donc la semaine dernière, on avait vu parmi les types de polythéisme mineur, min anwa' al-shirk al-asghar, al-halifu bighayrillah, le fait de jurer par autre qu'Allah. Et on avait vu que cela diminuait la concrétisation du pur monothéisme. On avait vu que le shirk al-asghar n'annule pas l'islam, parce que dans la croyance de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on divise entre la mécréance majeure et la mécréance mineure, entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure, entre la perversité majeure et la perversité mineure. D'accord ? Donc, jurer par autre qu'Allah, ça ne fait pas partie du polythéisme majeur, à une condition, que la personne, lorsqu'elle jure, ne met pas au même niveau par quoi elle jure, au même niveau qu'Allah. Comme on avait donné l'exemple du juge dans ce village-là, qui doutait du témoignage d'une personne, cette personne-là avait juré par Allah, mais il doutait. Il lui a dit alors, jure par al-Badawi. On avait dit, al-Badawi, c'est un fondateur d'une secte déviante par les soufis. Il lui dit, jure par al-Badawi. Et il a eu peur que s'il jurait en mentant par al-Badawi, al-Badawi allait lui faire quelque chose. Ça, c'est du shirk al-akbar, c'est du polythéisme majeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la crainte, c'est dans le cœur. C'est une action du cœur. Il a craint al-Badawi au même niveau qu'il a craint Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez comment, à l'origine, un polythéisme mineur peut générer un polythéisme majeur. On avait dit, si la personne commet un polythéisme majeur, ça veut dire qu'elle tombe dans la mécréance. Et donc, certes, elle doit se repentir. Comme Allah Azza wa Jal dit, c'est concernant les mushrikines, fi surat al-Tawba, fa in tabu wa qamu salat wa atu zakat fa ikhwanakum fi din. S'ils se repentent et font la salette et donnent la zakat, ils deviennent alors vos frères en religion. Donc on avait vu toute cette partie-là, on avait passé sur les différentes étapes de jurer par autre qu'Allah. من أنواع الشرك الأصغر aussi الشرك في الألفاظ. Donc parmi les autres types de polythéisme mineur, le polythéisme dans la façon de ce que l'on dit. Hein? Par exemple, la personne dit لا والله وأنت. Si ce n'aurait été Allah et toi. ما شاء الله وشئت. Ce que Allah hein, veut et ce que tu veux. فهذا الشرك الأصغر. Ça fait partie du polythéisme mineur. بعض الناس يقول أنا متوكل عليك وعلى الله. هنا صحيح. هنا beaucoup même qui disent je place ma confiance en toi et en Allah. سبحان الله. Ils commencent déjà à dire en toi et en Allah. Déjà ça c'est encore pire de la façon comment c'est dit. Donc وأقبح منه يدور على ألسنة كثيرا من الناس. فلواحد منهم يقول متوكل على الله وعليك وقد يقول أنا متوكل عليك أو توكلت عليك وعلى الله وهذا لا يجوز. Donc il dit je place ma confiance en toi et en Allah ou bien en Allah et en toi je place ma confiance, ça c'est totalement interdit. C'est différent de ce qu'on avait dit le Mashi'a et on va expliquer pourquoi. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إن كان الرجل ولا بد فاعل فليقول ما شاء الله ثم شئت فهل يجوز أن يقول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز أن يكون إلا على الله. D'accord. Donc il se peut qu'une personne pose la question. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la personne hein, doit dire, vraiment se doit de dire, « Masha'Allah », elle ne dit pas « Washi'at », ce que Allah veut et ce que tu veux, ça c'est interdit, ça c'est du shirk asra, du politisme mineur. Mais il dit « Masha'Allah, thumma shi'ta », ce que Allah veut, puis ce que tu veux. Il a dit, donc si on peut dire ça, est-ce que l'on peut dire alors « Je place ma confiance en Allah, puis en toi ». Donc la réponse c'est non, ceci est interdit. Pourquoi? Parce que la confiance, hein, il n'est pas permis de la placer en autre qu'en Allah. Il n'est pas permis de la placer yani, sur autre qu'Allah. Ça va être beaucoup plus clair, Inch'Allah. فَإِذَا قَالَ الْقَائِلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ فَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لِلْعَبْدِ مَشِئَةً. Donc si la personne dit ce que Allah veut, puis ce que tu veux, cette personne-là, hein, eh bien, a admis le fait que Allah yani, a la volonté. La volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. La volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. D'accord ? فإذا قال القائل ثم شئت فقد أخر مشيئة العبد عن مشيئة الرب جل وعلا وأما إذا قال ما شاء الله ثم شئت وأتى بالواو التي تقتضي في هذا الموضع التسوية فقد جعل غير الله مع الله ندا فهذا لا يجوز يقول إذن ما شاء الله ثم شئت. Donc lorsque la personne dit ce que Allah veut puis et non et si vous mettez et ça veut dire que vous mettez au même niveau, d'accord, ça c'est interdit. Ce que Allah veut, puis ce que tu veux. D'accord ? La personne, en disant cela, eh bien, dit clairement que c'est la volonté d'Allah qui passe avant la volonté du serviteur. C'est la volonté d'Allah qui passe avant la volonté du serviteur. Parce que la volonté du serviteur dépend de la volonté d'Allah. Et vous ne voudrez que ce qu'Allah veut. D'accord ? Donc ce n'est pas ce que la personne veut, elle, non, c'est ce que Allah veut. C'est ce que Allah veut. وأما قول توكلت على الله ثم عليك فهذا لا يجوز أيضا لأن التوكل من عبادات القلوب وَلَا يُصْرَفُ إِلَّا لِلْعَلَّامِ الْغُيُوبِ. Donc, mais celui qui dit je place ma confiance en toi et en Allah, puis en Allah, il veut utiliser le puis en Allah, yani je place ma confiance en Allah puis en toi, ceci n'est pas permis. Pourquoi? Parce que la confiance, ça fait partie des actes du cœur. La confiance, ça fait partie des actes du cœur et cela ne doit être qu'à Allah Azza wa Jal. Donc je vais répéter, pour être inch'Allah bien clair, concernant la volonté. Lorsque la personne dit ce que Allah veut, puis ce que tu veux, il a agréé le fait, yani, qu'il y a la volonté d'Allah avant la volonté du serviteur. D'accord ? Et que, que Allah a sa volonté, et la volonté du serviteur dépend de la volonté d'Allah. D'accord ? Mais s'il dit, il utilise ce que Allah veut et ce que tu veux, ceci est interdit parce que il met la volonté du serviteur au même niveau que la volonté d'Allah et cela est interdit. D'accord ? Cela est interdit. Alors que la confiance, il est strictement interdit de dire je place ma confiance en Allah puis en toi. Il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein. Surtout dans les pays musulmans, il y en a beaucoup qui utilisent ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les actions du cœur, tawakkul, on ne la place qu'en Allah. Les gens, ce sont juste des créatures. C'est Allah qui contrôle tout. Les gens, certes, ont une volonté, mais elle ne passe qu'après la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, at-tawakkul min ibadat al-qulub wa la yusrafu illa lil-'allam al-ghuyub. On ne doit placer la confiance qu'en Allah qui connaît l'invisible. La yatawakkalu illa 'ala Allah. On ne place sa confiance qu'en Allah, en personne d'autre. فحتى ولو قال توكلت على الله ثم عليك فهذا لا يجوز فكيف اذا قال توكلت عليك وعلى الله. Donc sachant qu'il n'est pas permis de dire je place ma confiance en toi puis en Allah, alors qu'en est-il de ceux qui disent je place ma confiance en toi et en Allah? فنجتهد لتطهير الألسنة من امثال هذه الالفاظ التي هي شرك بالله رب العالمين. Donc on doit faire des efforts à purifier notre langue de toutes ces prononciations-là qui sont de l'associationnisme. D'accord ? L'associationnisme mineur, qui n'exclut pas de l'islam. Mais le problème, c'est que ça concrète la perfection du tawhid. D'accord ? Inch'Allah, s'il y a des questions sur le sujet, on verra ça à la fin. Inch'Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. Il a été rapporté dans le hadith rapporté par Ahmed ou Nasa'i ou Ibn Majah an Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il a dit, il y a un homme qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah veut et ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, m'as-tu mis en tant qu'égal avec Allah, mais plutôt dit ce que Allah veut seul. Ce que Allah veut seul. Ce que seul Allah veut. D'accord ? Tu dois le dire que seul Allah veut. وَثَبَتَ فَإِنْ كَانَ لَبُدَّ قَائِلًا فَلْيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ فَهَذَا بِالْمَشِيئَةِ. Et donc il a aussi été authentifié que si vraiment la personne se doit de dire cela, elle veut rajouter la personne, elle dit ce que Allah veut, puis ce que tu veux. C'est très important, vous voyez, les mots dans l'islam, on ne dit pas « et », non, mais pas en égal. Ce que Allah veut, puis ce que tu veux. Ça, c'est ce que concerne la volonté. « Al-hadithain, hadith Qutayla, wa hadith ibn Abbas, radiyallahu anhuma, hadhan al-hadithain, wa ma ja'a bima'naha, Allah wa shita. » Donc ces deux hadiths apportés par Qutayla ibn Abbas ont prouvé, d'accord, qu'il est interdit donc de dire ce que Allah veut et ce que tu veux. Wa ma shabaha dhalika min al-alfaz mithla la wallahu wa ant. Et toutes les prononciations qui sont apparentes, comme dire si ce n'aurait été Allah et toi. Yani, tout ça c'est aussi interdit. Ma li ila Allah wa ant. Je n'ai qu'Allah et toi. Tout cela, C'est aussi interdit. لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين كما هو معلوم وهذا الشرك. Parce que lorsqu'il y a, on dit quelque chose et ensuite on dit et on dit autre chose, c'est une équivalence. D'accord ? C'est un égal que l'on met. D'accord ? Et ça, c'est de l'associationnisme. Il suffit qu'on met et, ça devient de l'associationnisme. Lorsqu'on dit Allah et, tu vois, quelqu'un, eh bien, ça devient de l'associationnisme. Fal wajib an ya'tif bi thumma falyaqul ma sha'a Allah thumma shi'ta. Ma sha'a Allah thumma sha'a fulan. Donc, il dit ce que Allah veut, puis ce que tu veux. Ce que Allah veut, puis ce que un tel veut. La wallah thumma ant. Si ce n'est Allah, puis toi. D'accord ? On différencie bien les choses, que c'est Allah au-dessus, hein? Puis la personne. Wa in kana fi nafsi min hadha shay'un la wallah wahda. On dit si ce n'est Allah seul. C'est de par Allah. On n'a pas besoin de rajouter et de toi. C'est une créature. Tout, Allah, il contrôle tout. C'est Allah qui décide tout. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَنْشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne voudrez que ce qu'Allah veut. الْعَطْفِ بِثُمَّ يَقْتَضِي التَّرْتِيبِ مَعَ التَّعْقِيلِ مَشِئَةُ الْعَبْدِ تَأْتِي بَعْدْ مَشِئَةَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا تَأْتِي مُسَوِّيَةً لا تأتي مسوية له قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc le fait de dire ثم puis, il y a un classement, d'accord, c'est Allah au-dessus de tout et avant tout, puis un tel, d'accord, un tel. Et ça ne vient pas, lorsqu'on dit puis, ça ne donne pas un égal du tout. Même dans la personne, lorsqu'on lui dit comme ça, on voit directement que c'est pas égal. C'est pas comme on dit un tel et un tel, comme si c'est égal. Un tel puis un tel, ça donne une différence. D'accord. Donc Allah est au-dessus de tout, d'accord. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne voulez que ce qu'Allah veut, d'accord. مَشِيَةُ الْعَبْدِ تَابِعَةٌ لِمَشِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. La volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. Suit la volonté d'Allah. Elle vient après la volonté d'Allah, d'accord. العبد وإن كانت له مشيئة خلاف للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله ما يفعل وأنه في الحياة تميلها الرياح لا تملك لنفسها مشيئة ولا لحركتها دفعة فالعبد له مشيئة كما هي عقيدة أهل السنة خلاف للجبرية. Donc s'il y a un point aussi, parce qu'en fait il y a plusieurs sectes qui ont dévié sur ça. Sur ce point-là, dans la Mashiach, hein? Sur le choix, la volonté. Allah Azza wa Jalla a une volonté et le serviteur a une volonté. C'est contraire aux Jabriyyah, d'accord, à la secte qui s'appelle les Jabriyyah, qui disent et affirment que le serviteur est contraint, majbour, yani il est contraint dans ses faits et gestes. Il n'a aucun acte propre, ni choix ou libre arbitre. Il est semblable à une plume, hein, qui se déplace au gré du vent. C'est ce que disent cette secte-là. Hein. Il est semblable à une plume qui se déplace au gré du vent sans détermination. Ceux-là sont appelés les Jabriyyah. Ce sont les extrémistes de la Qadariyya qui sont à l'opposé aux antipodes. Les Qadariyya qui ont exagéré dans leur affirmation de l'existence d'un destin. Et de ce fait, ont dépouillé le serviteur de toute volonté propre. En disant que l'homme crée ses propres actes. Donc d'une extrême, les Jabriyyah, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'individu, il est forcé à faire. Il n'a aucune volonté, ni rien du tout. C'est comme une plume, parce que le vent, il la met, il se retrouve. Et la Qadariyya, ils sont complètement à l'antipode, qui disent, eh bien, c'est l'individu qui crée ses propres actes. Et qu'Allah n'est pas au courant des actes de l'individu jusqu'à ce que l'individu les fait. Vous voyez ? Subhanallah. Donc, cela s'appelle la Qadariyya contestatrice, et parmi eux se trouvent les Mu'tazila. Parce que, subhanallah, si Allah nous facilite, inshallah, on aura l'occasion de voir ça beaucoup plus tard, inshallah. Yani, les Mu'tazila, qui sont sortis en fait de cette secte-là de la Qadariya, yani, et tous ceux qui leur sont dévoués. Et parmi les Mu'tazila, yani, il y avait notamment, qui sont sortis d'eux, l'Asha'ira, qu'aujourd'hui on entend beaucoup, yani, Abul Hassan al-Ash'ari, qui à l'origine est un Mu'tazili. Hein, durant le 7e siècle de l'Égypte, il y avait ces califes-là qui étaient sur la Aqida des Mu'tazila. D'accord ? Et ce qu'il y a, c'est que Abul Hassan al-Ash'ari, il était à l'origine un Mu'tazili avant d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les Ash'ari, hein, qui renient certains noms et attributs d'Allah et ils agréent d'autres noms et attributs d'Allah. Pour terminer, Abul Hassan al-Ash'ari s'est repenti avant la fin de sa vie de la déviance sur laquelle il était, en disant « Je suis sur la croyance de l'imam Ahmed ibn Hanbal, la croyance de l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. » Cependant, les Ash'ari d'aujourd'hui refusent d'accepter cela. Ils disent le livre hein, qu'il a écrit, non, on n'y croit pas, il est faux, je ne sais pas quoi. Donc, Allah musta'an. Donc, ce n'est pas correct en fait qu'ils s'appellent Ash'ari aujourd'hui. Ce qu'ils entendent, ils disent nous sommes des Ash'ari, nous sommes des Ash'ari. Parce que Abul Hassan al-Ash'ari s'est repenti. Normalement, ils devraient s'appeler des Kullabiyin, mais ça, c'est encore une autre secte. Donc, à l'opposé de toutes ces sectes déviantes et égarées, les gens qui se sont réunis sur la Sunna et le consensus, et le Sunna ou le Jama'a, hein, croit que l'homme a une volonté. Mais sa volonté suit la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Tel qu'Allah le Très-Haut dit, « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. D'accord ? « وَهَذِهِ الْمَشِيئَةِ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلها العباد. Donc, l'individu a une volonté. Elle suit la volonté d'Allah, Azza wa Jal. C'est-à-dire que l'individu ne peut faire une chose qu'excepté si Allah le veut. Donc lui, il a une volonté, mais il ne peut faire que si Allah le veut. Que si Allah le veut. Et c'est aussi, comme j'en ai parlé, opposé à la Qadariya, qui eux croient que Allah ne sait pas les actions des gens jusqu'à ce que les gens les fassent. ولكن هذه المشيئة لا يستطيع العبد أن يفعل بها شيئا إلا أن يشاء الله فهذا مذهب أهل السنة ووسط بين الجبرية والقدرية. Donc ceci est la voix des gens de la sunna et du consensus. C'est-à-dire, hein, il y a les jabriyas d'un côté qui dit il est forcé à faire les choses, et les qadariyas de l'autre qui dit Allah ne sait pas les actes de l'individu jusqu'à ce qu'il ait fait. Au juste milieu, il y a Ahl al-Sunnah wal-Jama'a qui dit l'individu a une volonté, mais il ne peut faire les choses que si Allah le veut. Yani, on cite juste ce qu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » Vous ne voulez que ce qu'Allah veut. الجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله الذي يفعله والقدرية يقولون إن العبد يفعل ما يفعل لا يعلم الرب فعل العبد حتى يفعل عقيدة أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. C'est ce que je disais, donc la voix, yani, la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est entre eux les deux extrêmes de Jabriya et Qadariya. Au juste milieu, ils se tiennent à ce qu'Allah veut, yani ce qu'Allah dit, vous ne voulez que ce qu'Allah veut. D'accord. الثالث من أنواع الشرك الأصغر الشرك في النيات والمقاصد وهو شرك خفي كالرياء وهو نوعان. Donc le troisième type de polythéisme mineur, hein, c'est le polythéisme dans les intentions et dans les buts que l'on prend, ou l'intention que l'on fait, eh bien, elle peut se mélanger en fait à du polythéisme mineur. Et c'est un type de polythéisme qui est caché, qui est caché. Et ce type, l'ostentation, elle est de deux types. Hein? L'ostentation est de deux types. Le premier type, c'est l'ostentation et la réputation faite que les gens entendent de lui. Personne ne veut que les gens entendent de lui. Riya mushtaqqun min ar-ru'ya. L'ostentation dérive de la vue. المراد به إظهار العبادات لقصد رؤية الناس لها. Donc le ce qui est voulu par يعني الرياء l'ostentation qui dérive de l'abus, c'est en fait faire un acte d'adoration en ayant pour but, on veut que les gens nous voient que l'on fait cet acte-là. L'intention de la personne, c'est ce qu'elle veut. Elle recherche que un tel la voit faire tel ou tel acte d'adoration. Elle veut qu'on la voit. D'accord ? فَيَحْمَدُونَ صَاحِبَهُ. Donc, il veut que les gens le voient et pour qu'ils viennent lui dire, Masha'Allah, il attend ça, c'est ce qu'il veut, il n'attend que ça. Il fait un acte d'adoration pour que les gens le voient, puis viennent le voir et le louent. D'accord ? الفرق بين الرياء والسمعة ما هو؟ Quelle est la différence entre l'ostentation et la réputation que l'on cherche ? الرياء لما يرى من العمل. L'ostentation, c'est ce qui est vu. C'est ce qui est vu comme action. Personne fait un acte d'adoration, hein ? الرياء, donc elle veut que les gens le voient en train de faire ça. والسمعة لما يسمع من العمل كالقراءة والوعظ والذكر ويدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله ويخبره به فهذا كله تسميع ومن سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينجو إلا المخلصون نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين آمين. Donc l'ostentation, c'est ce qui est vu de par les actions. La personne veut que les gens le voient. La réputation, le sum'a, le fait on veut que les gens entendent de nous, ça ne veut pas automatiquement dire que la personne te voit. Non. Elle peut être à un autre endroit, mais toi tu veux que cette information-là lui parvienne, pour que comme ça, elle puisse te louer. D'accord ? Eh bien, ça... Soma, c'est aussi par exemple le fait de se faire entendre. Se faire entendre. Une personne, elle peut être derrière le mur là, elle ne nous voit pas directement. Une personne est là et elle va se mettre à réciter le Coran. Son but, c'est quoi ? C'est qu'elle va, son intention, c'est qu'elle veut que les gens qui l'écoutent disent Masha'Allah, il a une belle voix, il lit bien, ou bien il fait de beaux rappels. Si son intention, c'est cela. D'accord ? Et donc, il y a aussi encore ce qui rentre dans cela, c'est le fait que l'individu évoque ses propres œuvres, ses propres actions. Il fait une action de bien, il fait quelque chose, il va aller en parler aux gens. J'ai fait ça. D'accord ? Donc l'individu, il ne l'a pas vu, mais lui, il lui rapporte ça. Il veut cette réputation-là pour que les gens connaissent de lui. Ah, lui, il est, mashallah, il attend ça déjà. D'accord ? Et n'est sauvé de cela que les gens sincères envers Allah. Et l'on demande à Allah qu'il fasse que l'on soit parmi les sincères. Amin. العمل الصالح له شرطان. La bonne œuvre, les conditions d'acceptation des œuvres, hein? Donc il y a deux conditions. وهو العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى. Et donc c'est l'action qui est acceptée par Allah عز وجل. C'est l'œuvre qui est acceptée auprès d'Allah qui a ces deux conditions. Pas une, l'une ou l'autre, non, c'est les deux, pour avoir l'œuvre acceptée par Allah. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque, le dernier verset de Surat Al-Kahf, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Qu'il fasse de bonnes actions. L'imam Al-Kathir, rahimahullah, dans le tafsir de ce verset, il a dit Al-amal al-salih ma kana muwafiqan li shar'illah. La bonne action, c'est ce qui est en conformité avec la législation d'Allah. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Wa la yushrik bi'ibadati rabbi ahada yuradu bihi wajh Allah wahda la sharika lah. Il veut de par cela Allah seul. Une action conforme à la législation d'Allah, à la législation avec laquelle hein, est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est sincère envers Allah. Ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres en islam. Donc il est donc nécessaire, فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلْ خَالِصًا لِلَّهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ صَوَابًا يَعْنِي عَلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. Donc il est donc nécessaire, absolument nécessaire, que l'œuvre soit sincère pour Allah seul, et il est absolument nécessaire que l'œuvre soit correcte, c'est-à-dire soit sur la législation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'œuvre ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'elle soit faite de façon sincère pour Allah et en conformité avec la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Être sincère, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui perdent leur temps. Il y a beaucoup qui perdent leur temps dans des choses qui sont inventées, ou dit 10 000 fois yalatif, ou dit, je ne sais pas quoi, 20 000 fois ça, ou vous lisez dans le livre, celui qui dit 200 fois la ilaha illallah en un seul souffle, ou yani, même s'il est sincère, ça doit être en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sincère, je prends la route, je prends l'autoroute direction Lille, mon intention, hein, c'est d'aller à Marseille. Où est-ce que je vais arriver? Je ne vais jamais arriver à Marseille, je vais arriver à Lille. Donc la personne, elle est sincère dans ce qu'elle fait, hein, mais elle prend une autre voie que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas accepté. Car Allah agrée, hein, l'islam comme la religion. Et quel est l'islam qu'Allah azza wa jalla agrée? C'est celui qui l'a légiféré. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhin bihi Allah? Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses qu'Allah n'agrée pas? فَالْخَالِصُ مَا كَانَ لِلَّهِ وَالسَّوَابُ مَا كَانَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Donc sincère, c'est envers Allah, et le correct, l'action correcte, c'est ce qui est en conformité avec la tradition prophétique, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ. Ce qui diffère entre l'ostentation et la réputation. الرِّيَاء لِمَا يُرَى مِنَ الْأَعْمَالِ مِنَ الْإِرَاءِ أَنْ يَفْعَلَ الْعَبْدُ الْفِعْلَ لِيُرِي الْخَلْقَ إِيَّهُ فَيَحْمَدُوهُ عَلَيْهِ هَذَا رِيَاء. Donc c'est comme on a dit, l'ostentation, c'est ce qui est vu des œuvres, que l'individu fasse une œuvre afin d'être vu par les gens, dans le but qu'il le loue pour l'œuvre ou l'action qu'il a faite. وَالسُّمْعَ لِمَا يُسْمَعُ مِنَ الْأَعْمَالِ أَوْ الْأَقْوَالِ أَوْ الْقِرَاءِ أَوْ الْوَعْظِ أَوْ التَّعْلِيمِ الذِّكْرِ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَحَدُّثٍ الْإِنْسَانِ عَنْ أَعْمَالِهِ فَيَسْمَعُ غَيْرُهُ وَيَمْدَحُ نَفْسُهُ. Et donc, la sum'a, la réputation, c'est le fait que la personne, comme on a dit, veut que les gens l'entendent. Que ce soit de par les rappels qu'elle fait, ou l'enseignement qu'elle fait, ou le dhikr, ou la lecture du Coran. Hein, elle veut que les gens qui ne la voient pas l'entendent, pour que il le loue. Ou bien la personne qui, hein, yamdah nafs, ça veut dire que il s'auto-félicite, quoi. Il se dit, je suis comme ça, hein, pour faire croire aux gens, leur donner une certaine image, d'accord, et donc pour que les gens disent de lui quelque chose et le louent, d'accord. Et le hadith, hein, man sam'a sam'a Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih. Le jour de la résurrection, comme les ulémas ont expliqué, Allah Azza wa Jalla l'exposera. Celui qui fait quelque chose pour que les gens les voient, son intention c'est ça, pour que les gens les voient, Allah l'exposera, son hypocrisie. Et celui de même pour celui qui veut que les gens, hein, disent de lui. فَالْخُلُصُ مِنْهُ عَزِيزٌ جِدًّا نَسْأَلَ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرُنَا مِنَ الشِّرْكِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Et le fait de s'en débarrasser, ce shirk-là, est une chose très très très puissante. Hein? C'est un polythéisme qui est caché. Ça veut dire que n'importe qui peut s'en être habillé. N'importe qui peut s'en habiller. Polythéisme qui est caché. Donc c'est pour ça que l'un des moyens pour lutter contre cela, c'est quoi? C'est le fait de renouveler son intention à chaque action que l'on fait. Et on se pose la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour Allah? Et donc on renouvelle, hein, son intention. Et on fait ce que le prophète Mohammed a enseigné. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Oh Allah, je te demande refuge, que je t'associe quoi que ce soit et que je sais, et je te demande pardon que si je t'associe quoi que ce soit et dont je ne sais pas. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الآية آية الكهف كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده كما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. Donc il a dit l'imam al-Qayyim rahimahullah dans l'explication du dernier verset de sourate al-Kahf, comme il n'y a qu'une seule vraie divinité, c'est Allah. Comme il n'y a qu'une seule vraie divinité. Les autres choses que les gens adorent, hein, ils les ont mis au rang de divinité parce qu'ils les adorent. Il est synonyme de Elha, c'est Abada. Ils les adorent, donc ils les ont mis au rang de divinité. Mais ce sont des fausses divinités car elles n'ont pas le pouvoir de créer. Qu'une seule vraie divinité, c'est Allah. Donc il dit, sachant qu'il n'y a qu'une seule vraie divinité, alors il est obligatoire que l'acte d'adoration ne soit voué qu'à cette seule vraie divinité. Et on va terminer avec cela, inshallah. Donc comme il disait, إِلَهٌ وَاحِدْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ وَأَنْ يَقْصِدَ الْعَبْدُ بِعِبَادَتِهِ وَجْهَ رَبِّهِ لا يقصد بالعبادات سواه لأن ذلك لا يجوز هو إله واحد كما تفرد بإلهيته ينبغي أن يفرد بالعبودية. Donc c'est pour ça qu'il dit le shir que comme on sait qu'il n'y a qu'une seule vraie divinité, c'est Allah, donc seul lui mérite tout, en toute vérité, tous les actes d'adoration, donc on se doit de renouveler notre intention, que le but d'un acte d'adoration que l'on fait ne soit voué qu'à Allah seul et non aux créatures qui ne pourront nous être bénéfiques en rien. D'accord. Donc seul Allah Azza wa Jal, le seul créateur, celui qui est vivant et qui ne meurt jamais, Allah Azza wa Jal, c'est à lui que l'on doit vouer toute forme d'adoration et renouveler notre intention à chaque fois que l'on fait un acte d'adoration. Al-amal al-salih al-khali min al-riya al-muqayyad bis-sunnah shartan أن يخلص من الرياء أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا يعني مقيدا بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit la bonne action qui est dénuée de l'ostentation, hein? Dénuée de l'ostentation, dénuée de la soma. La personne ne recherche ni réputation ni ostentation, elle se renouvelle, elle fait son combat avec son âme pour qu'elle ne le fait que pour Allah seul. Elle renouvelle à chaque fois son attention. Donc, pour que ce soit sincère envers Allah. Et en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle s'assure que si elle fait un acte d'adoration, c'est qu'elle connaît la preuve qu'elle fait. Elle ne se lance pas dans des actes, et après elle se dit, je pense que c'est bien. Oh, subhanallah. Elle connaît la preuve. Les ibadat tawqifiyya, les actes d'adoration sont restreintes. Il n'est pas autorisé de faire un acte excepté si on a une preuve. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari al-Muslim, selon Aïcha, radiallahu anhu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui invente un acte qui ne provient pas de notre enseignement, cet acte se verra rejeté. Et dans la riwaya qui est dans Sahih Muslim, dans la narration qui est dans Sahih Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte d'adoration qui ne provient pas de notre enseignement, cet acte se verra rejeté sur le dos de celui qui apporte cet acte-là. Donc ça doit être basé sur des preuves. Et donc ça doit être sincère pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On continuera, incha'Allah, la semaine prochaine, la suite de ce dars-là. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.